violer et tabasser dans ta cave par des putains de petites larves. Attaché, violé et tabassé dans ta cave par des mecs qui se croient braves. Attaché, violé et tabassé dans ta cave par des putains de petites larves. Kairage, te chie dessus même si tu viens du ghetto. C'est pas parce que ta vie est dure que la mienne c'est du gâteau. Tu roules en BM, tu t'habilles avec de la marque. Après tu dis que t'es pauvre, tu mérites des claques. La petite pompeuse du troisième, elle se fringue en jupe. Il en faut pas plus pour la traiter comme une pute. Sous-sol avec cette de tes lascars, mais tu seras une merde quand on te jettera au mitard. Attaché, violé et tabassé dans ta cave par des mecs qui se croient braves. Attaché, violé et tabassé dans ta cave par des putains de petites larves. Attaché, violé et tabassé dans ta cave par des mecs qui se croient braves. Attaché, violé et tabassé dans ta cave.